Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une commandite de votre magasin local et régional Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Le printemps est à nos portes et pour vos besoins d'articles printaniers, c'est Canadian Tire du 1751 boulevard Vézina qui est l'endroit idéal. Surveillez la circulaire chaque semaine pour les différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Danny Veilleux, le plus récent bulletin d'information de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant de l'Avalanche du Colorado qui a perdu par la marque de 2-1 contre les Sharks de San Jose pour tirer de l'arrière 3-2. Donc l'Avalanche qui pourrait être éliminée ce soir. Samuel Girard de Roberval a été blanchi, a joué 18 minutes 37 secondes dans la rencontre. Maintenant, Ligue nord-américaine de hockey, la série entre les Marquis et les Éperviers de Sorel, la grande finale est maintenant égale 2-2. Samedi, au Palais des Sports de Jonquière, devant plus de 2200 personnes, les Marquis l'ont emporté 3-2 contre les Éperviers pour créer l'égalité. À noter que dans le match pour les Marquis, les buts ont été marqués par Yannick Rinaldo qui a marqué un but à Massin Pass, il y a Jonathan Ogilvy un but. Et aussi, Danick Paquette a marqué l'autre but. La prochaine rencontre aura lieu jeudi soir à Sorel. C'était le demi-marathon de Lévis en fin de semaine. Il y avait plusieurs athlètes du secteur de Dolbeau-Mistassini qui étaient en action au cours du week-end. Le meilleur Dolmissois du côté hier à Lévis, c'était Dari Pronovo qui a parcouru la distance du 21 km avec un temps de 1h25 minutes et 28 secondes. À noter la 952e place maintenant pour Guillaume Person qui est de Dolbeau-Mistassini. Guillaume Person qui a parcouru la distance de 1h50 minutes et 51 secondes. Guy Leblanc a terminé avec un temps de 1h44 secondes et un centième. Lui, il a terminé au 603e rang. Et il y avait également plusieurs autres athlètes qui ont participé également à cette compétition. À noter que Jesse Baudette a terminé en 1429e position avec un temps de 2h05 centièmes. Maintenant, à noter aussi que Élie Dégagné a terminé avec un temps de 1h59 minutes et 45 secondes en 1409e position. Et il y avait également d'autres coureurs qui étaient là-bas. Maintenant, il y avait une compétition également qui se déroulait à Ville-Saguenay. C'était dans le cadre du circuit Jacourt. Donc, on va vous donner les résultats pour des athlètes du Haut-du-Lac qui étaient là-bas. À noter que, donc, au 10 km, la victoire est allée à Charles Proulx. Il est de l'Inuk de Chicoutimi. Maintenant, au 10 km féminin, Valérie Nadeau de Saint-Félicien a pris le deuxième rang avec un temps de 45 minutes et 12 centièmes. À noter également qu'au 5 km féminin, Justine Roy de Saint-Félicien a pris le troisième rang avec un temps de 23 minutes et 41 secondes. Également au 1 km féminin, Laurence Perron de Saint-Félicien a terminé en troisième position avec un temps de 4 minutes 45 secondes. Et alors, c'était le gala des champions de la Ligue Midget 3 au cours du week-end. Ça s'est déroulé dans la région de Montréal. Et à noter qu'il y a eu quand même une personne des élites de Jonquière qui a mérité un honneur. Il s'agit de Daniel Neptune qui a mérité le trophée Clément Fillon remis aux bénévoles de l'année. Parmi les autres lauréats, notons que Vincent Bellet a gagné une bourse de 1000$ dans le cadre du mérite académique. Mikissim Awashish qui est de Mastuyach et Maxime Lavoie ont mérité des bourses de 500$ également pour leur résultats scolaires. Sport local et régional, à danradiosport.com à son équipe.